J'ai été très intéressée par tous les développements, tout ce que vous avez dit. Et donc, ce que je voulais souligner, quelque chose qui n'a pas été évoqué, parce que peut-être que c'est un peu tabou, mais qu'il n'y a pas un seul autiste qui n'en souffre pas, c'est le harcèlement qui se trouve à tous les stades et qui devient très intensif au moment... Et à un moment donné, la personne autiste, elle va être tellement traumatisée qu'il y aura d'autres troubles qui vont s'ajouter, les troubles de la personnalité divers. Et c'est là qu'elle verra qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, ce sont des choses qui restent à vie. Et donc, je pense qu'il faudrait... Je vais dire mon parcours. Et donc, par rapport aux compétences sociales, je pense que c'est la question centrale. Et j'ai fait une scolarité normale à une époque où l'autisme d'Asperger n'était pas connu. Et il fallait absolument que je fasse semblant d'être normal, entre guillemets, parce que sinon, c'était l'enfermement... C'était très dangereux à cette époque-là d'être autiste. Donc déjà, j'ai vécu dans la terreur, pratiquement, parce qu'il fallait absolument bouger comme les autres. Quand je suis chez moi, comme vous avez évoqué Joseph Chovanec, je peux faire des gestes d'autiste. Quand je suis avec les autres, je dois avoir une posture, même à la bibliothèque. Si je n'ai pas cette posture-là de faire semblant d'être neurotypique, on commence à m'attaquer, à s'en prendre à moi. Et par rapport à la bibliothèque, d'ailleurs, le silence n'est jamais respecté. Donc ça, ce serait quelque chose, par exemple, mettre des surveillants, mettre des places individuelles ou des places donnant la possibilité d'être assis ou debout pour les personnes avec TDAH aussi, parce que je suis Asperger et avec TDAH, par exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autistes qui ne peuvent pas fréquenter les bibliothèques. Et donc ça, c'est un gros souci. Et aussi parce que on se fait repérer, et même le personnel de la bibliothèque devient agressif. Et donc ça revient sur le harcèlement. Et maintenant, je vais évoquer mon parcours. Donc je n'ai pas pu faire le lycée. J'aurais bien aimé. Mais parce que les professeurs refusaient de m'interroger, m'imposaient d'être sociable, et je ne savais pas comment on faisait, j'arrivais pas à échanger avec les autres, et c'était une condition qui comptait dans la notation, en quelque sorte, donc totalement unique. Et ça c'était au lycée italien, d'ailleurs, mais l'école française, ça aurait été encore pire. Parce que c'est encore plus formaté. Donc, ce que j'ai fait, c'est la buée de sauvetage, comme a dit le monsieur. Mais moi, j'ai fait la capacité en droit. Et donc, j'ai fait deux Master 2, un de recherche, un professionnel. Bon, finalement, j'arrive au doctorat. Les Master 2, effectivement, il y a tous ces problèmes qu'a évoqué... le participant, et que oui, effectivement, à un moment donné, c'est soit les professeurs qui commencent à harceler, soit c'est les étudiants, c'est un des deux, et c'est une ambiance où c'est tellement violent qu'il faut vraiment être très endurant. Donc j'ai enduré tout ça, je suis arrivée au doctorat, et ce que je voulais dire par rapport au doctorat, que il y a certains autistes qui, à cause du problème d'organisation, ils auraient besoin d'un encadrement plus important pour vraiment cerner les choses. Donc moi, je n'ai pas eu d'encadrement quasiment pas du tout, parce que mon directeur de thèse, j'arrivais pas à communiquer avec lui, c'était impossible. Et à un moment donné, il a refusé de me donner des rendez-vous. Mais bon, j'ai continué ma thèse, et avec la nouvelle réforme, ils essayent de limiter dans le temps. Donc, ma réinscription, maintenant, il y a une procédure en cours pour faire respecter le statut de personne handicapée, pour bénéficier d'une année supplémentaire, Et donc là, ce serait la huitième année. Et donc, comme quoi, c'est vraiment très difficile. Et c'est surtout, c'est au niveau du doctorat que j'ai senti que ma condition d'être autiste, c'est vraiment ce qui m'empêche de faire une carrière, parce que je dois avoir au moins 10 ans, 10 ans de retard par rapport à quelqu'un d'autre à cause de mon autisme, pas des compétences, de mon autisme, parce que socialement, on n'arrive pas à faire le visage attendu, l'expression, le ton de voix. Et j'ai même enseigné à la Sorbonne, j'étais chargée de TD, donc j'ai démontré que j'avais des compétences. Mais le problème, c'est que ça aussi, ça gêne, parce que qu'on puisse avoir des compétences, eh bien, voilà, c'est un milieu où il y a aussi un certain favoritisme. C'est toute une ambiance qui n'est pas faite pour les autistes. C'est vraiment le côté handicap, c'est totalement exclu. C'est très rare qu'il y ait des personnes handicapées qui arrivent à aller au bout avec ce qu'on peut donner. Parce qu'une personne autiste, elle arrive à faire les choses. Ce qui est difficile pour les autres peut être facile pour une personne autiste. Et donc, voilà, ce que je voulais demander, c'est que, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, au lieu de forcer les personnes autistes à prendre les compétences sociales, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a des personnes qui communiquent différemment, qui, par exemple, ne regardent pas toujours dans les yeux, qui ne vont pas sourire tout le temps, comment on peut sensibiliser par rapport à l'acceptation vraiment de la différence et qu'on puisse marcher comme une personne autiste fait, ne pas avoir le droit d'être autiste, en fait. Oui, pardonnez-moi, je vous interromps parce que l'heure tourne et je crois que les gens commencent à avoir faim. Pourriez-vous poser votre... Si vous avez une question précise... C'est ça ma question, est-ce qu'on ne peut pas accepter la personne autiste telle qu'elle est ? Avec bien sûr une adaptation, mais pas en la forçant à être différente. Et à ce moment-là, on pourrait l'intégrer plus facilement. Merci. Et comment faire, Oui. Non, mais on pourrait faire tout l'après-midi hein, avec le commentaire en question. Enfin, moi, je reviens sur des solutions. Enfin, parce que ça renvoie, par exemple, ici, à des problèmes de tolérance. Hein, culturellement, il y a des standards. Si on sort un petit peu de ce standard, enfin, ce qui est vrai sur le handicap, l'est vrai aussi sur le culturel, le multiculturel. Hein. Si on sort de la culture, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger à cette heure-là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger ça, comme ça, comme ça ? Enfin, c'est assez terrible, hein, même, d'en arriver là. Mais quand ça arrive au niveau des gens, c'est encore évidemment plus terrible. Alors moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait étendre au moins ce niveau d'acceptation de la différence. Et ça passe minimalement par l'information, la préparation. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On envoie d'un seul coup un jeune autiste dans un lycée, il se fait laminer.